Gégé, est-ce que tu entends ça? C'est toujours Petit Poisson depuis Paris. C'est la bonne musique. Ota Marigonanga papa, galalili oko Marimoka mosika, zonga toka mwana konsantima. Baka baka motema bala moko. Melissa Chéri, Nana Lingaya, Yakatolingana, Polibala Hebonga, Nana Boy Sonio, Namiso Yabato, Namokiri Nebalingaka, Malami Bahete, Mamungu Kena Anaseo, Babetino Sam, Polibala Papa, Gana Lelio. Zangi atabiye senga na mangungu play bolingo na toni motema susi na motema mama bolingo na na papa gana le yoko parimoka musika osoma toka wala kosatima bolingo na na papa gana le yoko parimoka musika osoma toka wala kosatima. Chérie Chapi, au bateau.